Chapitre 2e. Ikoteruka était resté impassible. Il s'attendait à tout. Il alluma tranquillement une cigarette et, de la main, il fit signe qu'il l'écoutait. Le consul poursuivit. « Oui, je ne vous ai pas dit le plus grave, » expliqua-t-il. « Sachez que le fils du baron Jinzo était à bord de la jonque où avaient été embarqués les piastres et que le baron ne le sait pas. Il croit son fils à Saïgon, mais Mitsui Jinzo, c'est le nom du jeune homme, a voulu aller au-devant de la cargaison de piastres. Je sais de sources sûres qu'il s'est embarqué sur la jonque et je crains, hélas, qu'il n'ait été tué par les voleurs. Le baron Jinzo n'a que 7 enfants. S'il savait cela, il deviendrait fou. » « C'est en effet très triste, » fit Ikoteruka. « Et il faut vraiment cette circonstance pour que je m'occupe de l'affaire, car autrement j'aurais refusé. J'ai besoin de repos. Enfin, j'accepte. Je vais aller me renseigner auprès de la police saïgonaise, mais ne parler à personne de ma visite ici. Je crains fort que les voleurs n'en soient déjà avisés. Vous n'auriez pas dû me télégraphier à bord du paquebot. Enfin, je ferai pour le mieux. Pas un mot à la police, surtout, sur le fils du baron Jinzo, » recommanda le consul. Ikoteruka le rassura, et après avoir encore échangé quelques paroles avec lui, prit congé et sortira. Son premier soin fut de retourner à bord du paquebot qu'il avait amené et de faire transporter ses bagages dans un modeste hôtel situé non loin du boulevard Charner. Il y resta jusqu'à la nuit, soi-disant pour se reposer. En réalité, il réfléchit, prit des notes et surtout ne se montra point. Au coucher du soleil, il sortit sans être vu de l'hôtelier. Il s'était complètement transformé. À le voir, l'on eût dit un de ces blanchisseurs chinois de la rue Katina. Il était chaussé de sandales à semelles de feutre et revêtu d'une longue veste de toile bleue à brandebourgs et d'un large pantalon de soie noire. Une énorme natte était serrée autour de son crâne rasé et il serrait un gros parapluie de coton sous son bras. Une paire de lunettes rondes à monture de bois complétait ce déguisement. Son premier soin fut de se rendre chez le commissaire central de police. « Moi, pauvre Chinois, moi, portez plainte, » bafouilla-t-il. « Moi, demandez-moi les commissaires de police. Ça a beaucoup terrible. » L'agent à qui il s'adressa se mit à rire. « Je parie qu'on t'a encore volé, mon vieux Shintok, » dit-il. « Aussi, on n'a pas l'air si gourde. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu ne penses pas que je vais déranger le commissaire central pour toi ?»« Ça, Glanclim, beaucoup tué. « Moi, pas les commissaires !» affirma gravement et énergiquement le faux chinois. L'agent fut ému. Il prévient le secrétaire du commissaire qui fit entrer Ikoteruka. Mais le célèbre détective hocha la tête et répéta qu'il voulait voir le commissaire. « Si jamais tu as dérangé le patron pour rien, tu vas voir quel rossé !» grommela le secrétaire qui, après une dernière hésitation, s'en fut prévenir son chef. Ikoteruka fut introduit dans le cabinet de travail du magistrat. Mais au lieu de parler, il insista pour être laissé seul avec le commissaire central. Celui-ci, véritablement étonné, déféra son désir. « Maintenant, parle, » dit-il au faux chinois. « Je ne suis pas un chinois, » fit Ikoteruka en bon français. « Je suis le détective Ikoteruka et viens de la part du consul japonais qui doit vous avoir annoncé ma visite. » Le commissaire central resta stupéfait, n'en croyant pas ses yeux tant le déguisement d'Ikoteruka était parfait. Il expliqua au grand détective que la police saïgonaise estimait que le vol devait avoir été commis par les propres marins de la jonque aidés de ceux du remorqueur. La jonque avait dû être coulée dans un des nombreux affluents du Dongnai et nul ne la retrouva jamais. Quant à savoir quelque chose, impossible, Chinois et Annamite ne se vendent jamais entre eux. Ikoteruka n'insista pas. Il remercia le magistrat et sortira. Mais en sortant du bureau du commissaire central, il ne fut pas long à s'apercevoir qu'il était suivi. « Décidément, pensa-t-il, les bandits étaient forts pour l'avoir déjà reconnu. » Il fit semblant de ne s'être aperçu de rien et se dirigea vers la plaine des tombeaux qui s'étend entre Saïgon et l'agglomération chinoise de Cholon. Celui qui le suivait était un gaillard de race mandchoue, un véritable géant. Ikoteruka, brusquement, revint sur ses pas, ayant tiré une cigarette de sa poche, s'approcha du céleste et lui demanda en dialecte pékinois s'il n'avait pas une allumette. Le chinois mit la main à sa ceinture pour y prendre son briquet, mais à la même seconde, Ikoteruka, d'une passe de jiu-jitsu, le jeta sur le sol sans défense et hurlant de douleur.